Toujours à l'occasion de la journée de Songun, le sénateur nigérien Abdullahi Adamu a rendu le 22 août une visite de félicitations à l'ambassade coréenne dans son pays. Il a déposé un bouquet de fleurs devant un tableau de peinture qui représente le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il avant de formuler son hommage sublime.